écoute c'est MC, S-H-O-D, dis pas merci quand tu me donnes un truc. Moi je nique le big MC, t'as le track comme mon pote Gibson. T'inquiète pas, moins de secondes, j'te sonne. Clan Tricard et mon pote JB s'est posé. J'nique le beat, t'inquiète pas, elle est dressée. S-H-O-D posé à l'aise. À cette heure-ci, j'partage ma boue avec tous ceux qui ont la dalle. S-H-O-D, pas du dalle. Mais de Belleville, j'représente comme ça. Teste pas trop bar, baisse bar. On représente comme ça, on traîne pas dans les bars, mais plutôt dans les rencarts. 7-5-0-18, mon code barre est gravé dans mon poste et dans mon son. La Ribois sert. Là où j'ai grandi, S-H-O-T, qu'est-ce pas de travers. J'porte pas de visière, mais j'ai les produits pour faire tourner la tête. T'inquiète pas, c'est ici que ça tourne. Barbès, Barclan, 1-1-1, on est là, on représente. Même si à cette heure-ci, c'est pas le zénith. S-H-O-T du 18, j'représente. Est-ce pas la dynamite, profite dans mes textes. Et quand j'pose, ça explose. C'est pour mes gars, ceux qui s'imposent et font pas les deppes. S-H-O-T, ça part, c'est le guet-apens. Barbès, Barclan, charge et sans le faire exprès. Ça fait pas. Bam bam. Ok. Ok. Ferme la MC Fanny. Tu crois qu'elle du thème ça cramé. Ça fait du temps que tu bégayes là. Passe-moi le mic. Le vrai type. Tu connais mes tripes. Des fois le mic en équipe. Du lourd street. Histoire de basse. Record mystique. Le strat. Je m'adapte sur tous les terrains. Soit simple ou technique. En force c'est toi qui mythe. Lyrical Kenix. J'arrive avec trop de face qui claque. Moi tu flippes. Tu grindes des claques. Tu kiffes alors ton goût des boîtes. Part comme une pote. Le sucre au croate. Flamme tata. Comme Jay-Z dans le bon incline. Y compris les bling bling. Les belles plaques à la peau. Tu captes, jet off, test, tu mets droit dans le plan. Tu rappliques, tu fais griller le flingue. Une fois dans le vent, mais pas deux fois. Si tu fais, je parle quand, qu'un le survivant. C'est du papier qui enrichit, qui donne de la valeur à l'écriture. Un stricard, ça part en couille. 2002, je m'imagine pas rap du futur. Sur moi, chacun libre de rêver. Mais les couches parlent quand il veut. À l'heure de l'ouverture ou de la fermeture. On dit que les rues peuvent, mais pas force les squats. Et qu'il n'y a plus d'odeur. Parce qu'on apprend des choses qu'on apprend pas ailleurs. On est seul mot du grand date. Deux, trois mots, juste de bien faire les choses. Et on en crée qu'à pas besoin de jouer cascadeur. J'ai vu mon père, ma mère pleurer. J'suis pas le seul et qu'elle ait fait sa fête. J'ai vu des merdes de potes à moi partir. Combien de temps ça fait? 18 piges, j'ai encore la mienne. Et puis très les plombs, j'n'aurai plus droit à son plein de ma fête. Y'a plein de choses que j'sais, mais ne connais pas encore. Par rapport à mon vécu, par rapport à des vécus, plusieurs vécu hardcore. Comme tout le monde sait, cette vie commence à se terminer. Pour le mauvais, dans le droit chemin mauvais. C'est pour tout le monde qu'elles seront posées les mines. Que ce serait pour bingués, représente pour ceux qui m'ont confié. Blagué, zigzagué. We'll be right back.